Canal Cinéma. Atmosphère ! Atmosphère ! Attachez une gueule d'atmosphère ! Canal Cinéma. Qu'est-ce qui se passe ? Y'a plus de Benko ? Canal Cinéma. Avec qui ? Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie. Votre radio dédiée au 7e art.